Perfect, perfect, perfect, perfect, perfect. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. Toi tu fais des sous, moi j'en bats les couilles. Les coups de mes refrains mon corps, je touche ma main, j'en pue les coups. Son équipe ne fait que parler, les miens font parler les couilles. 28 septembre, cœur ouvert, vous préviens, accrochez-vous. Au mode de soin, j'ai là, j'suis pas dans les mélos. J'rappe la rue aussi, j'suis tout terrain, comme Fantéen Golo. Tout est carré, tout est pesé, maintenant il te manque plus qu'à cérophaner. On a connu le best très vite et sans quelques années. Tu peux pas intégrer le gang, tu sers à rien, t'es gêné. 100% la connexion, t'as que c'est le WTP. C'est bien beau, t'es gainé, à ma feu, t'es limite. J'ai ça est béni, que très haut, vous bénis. On sait faire la zone bonne, c'est rappeler la rue. Le poteau tarot de cabas, c'est rien, c'est la rue. 2002 qui a fait, j'en croyais pas en nous. Des enfuis par 67 millions de vues. Couronner les princes de la ville, oui c'est bien nous. Culotté à parle d'amour, j'ai connu dans une partouze. Les garçons, non, te prends pas pour un autre. On sait ce que tu fais et qui va te faire si tu joues des rôles. Viens voir la vie comme elle, tu peux te râler blonde. Derrière ma gueule, dans je te cache le démon Naruto. J'ai compris que la rue c'est traite, ça pas de poteau. Depuis que j'ai vu Franck Lucas, mon cher ses propres frérots. Ça te laisse les armées, si tu fais le bon, fais le bon. Les petits t'as fait grandir, t'allumeront. Boy, que ça soit dans la cour, aux anti-casses, rappeur pour les ballons, on dit belle dans tous les cas. Que ça soit dans l'afro ou dans le tigage. Rappeur pour les ballons, on dit belle dans tous les cas. Préviens tes gars, à cœur ouvert. Le battu de septembre, la tuerie est dans les bacs. Petit, assis-toi ici, je vais t'expliquer la vie. Faut que tu gagnes, faut que tu portes des coups. Tu vas chercher Loire, la rue, je suis triste, c'est bizarre. Il me demande à Agrippe, 18 ans, j'ai bigrave mon premier disque et je suis ravi, je suis content. Quand je vois le poteau sur le dos d'or, en deux secondes, on t'arrache ta chaîne, on te pète les dents. Y'a une livrette, je plus vite qu'à le resto. Et le poteau qui veut 40, on valide de coup que c'est moi. Mec de bouquille, t'es mal les flingues, t'es mal à la tête du flingue. On manie les compètes et on manie les armes. J'ai les yeux rouges et des idées macabres. Le 28 septembre, c'est dans les bacs. Bang. Maman veut du roro et moi je suis son trésor. Petite marche, m'arrête dans la rue, ils me disent non, Ashta t'es trop fort. Reste à l'affût, l'amitié a de la patate dans mon trevant, pas de trap plus. Un an après, toujours le mental à très fort. À bord du navire, que les vrais autant cache un navire. Les flashs m'avec de la foule en concert, donc j'en suis ravi. Et je revis, les guêpes me contrôlent juste pour prendre un selfie. Pour ces filles, je me méfie de la juger son verdict. Passe-moi mon verre d'eau, n'a pas de mélange dans la cristalline. À part mon sirop, tiens, bois ça si tu veux vérifier. Véridique, les vrais sont tombés dans des procès juridiques. Quoi qu'il arrive, j'rappe la rue. Mieux quoi avec ou sans mélodie. Bidon HK 28 septembre dans les boîtes à cœur ouvert. Perfect, perfect.